7. La CIA a rassemblé des renseignements importants au sujet de la BCCI et, par mégarde, a négligé de communiquer ces renseignements à ceux qui en avaient besoin. Les liens existants entre la CIA, certains anciens de la CIA et certains actionnaires, employés et clients de la BCCI étaient beaucoup plus nombreux et importants que la CIA ne l'a reconnu. Début 1985, la CIA en savait déjà plus sur les intentions de la BCCI au sujet du système bancaire américain que qui que ce soit d'autre au sein du gouvernement. L'agence a fait part de ses renseignements au Trésor américain ainsi qu'au Bureau du contrôleur de la monnaie, deux institutions dont aucune n'était responsable de la régulation de la banque First American, acquise par la BCCI. La CIA a négligé de fournir les renseignements cruciaux qu'elle avait collectés à ceux qui en avaient légitimement besoin, la Réserve fédérale et le Département de la Justice. Bien après avoir pris conscience que la BCCI était, en tant qu'institution, une entreprise fondamentalement corrompue par des intentions criminelles, la CIA a continué d'utiliser pour ses opérations les services de la BCCI et de la First American, banque américaine servant de filiale secrète à la BCCI. Les rapports de la CIA au sujet de la BCCI sont par certains aspects impressionnants, particulièrement par le rassemblement d'informations sur certains éléments principaux de leurs activités criminelles, comme l'achat de la First American en secret dès 1985, ou la participation importante de la BCCI dans le blanchiment d'argent. Malgré cela, l'étendue des connaissances de la CIA au sujet de la BCCI, telle que l'agence l'a décrite, faisait preuve de lacunes importantes. Plusieurs personnalités ont pris part de près ou de loin aux activités de la BCCI à des moments critiques de son histoire, tout en participant simultanément à des développements clés de la politique étrangère des États-Unis, tels les pourparlers de Camp David ou bien les ventes d'armes à l'Iran dans le cadre de l'affaire Iran-Contras. Parmi ceux-là, on compte des anciens de la CIA, y compris l'ancien directeur Richard Helms et feu William Casey, ainsi que d'importants agents des États-Unis à l'étranger comme Adnan Khashoggi et Manoucher Gorbanifar. Pourtant, la CIA continue d'affirmer ne posséder aucune information qui concerne la participation de ces personnes dans l'affaire, ce qui soulève soit la question générale de la qualité des renseignements obtenus par la CIA, ou bien celle de sa franchise dans ses communications avec le sous-comité. Les assertions répétées de la CIA qui professent une ignorance complète des rôles joués par ces personnes dans l'affaire BCCI ne concorde pas avec le fait que l'agence était dès 1985 en possession d'informations sur les aspects critiques des opérations, des intentions, des structures, des employés et de l'histoire de la BCCI. Les erreurs commises par la CIA dans sa gestion du cas BCCI ont été encore plus compliquées par la façon dont la CIA a fait face à l'enquête demandée par le Congrès. Les renseignements fournis initialement par la CIA étaient faux. Les renseignements fournis dans un second temps étaient incomplets. L'agence était réticente et a refusé de faire un tableau complet de ses informations sur la BCCI pendant plus d'un an après la première demande de renseignements. Ces faits nous conduisent à nous montrer très prudents et nous empêchent de conclure que les renseignements fournis à ce jour par la CIA sont exhaustifs et véritable. Il serait bon d'enquêter plus avant sur les rapports qui existent entre des anciens de la CIA et des sociétés nominées et hommes de paille de la BCCI, y compris Kamal Adam, Abdul Khalil et Mohamed Irvani. 8. Les mauvaises décisions prises par les régulateurs américains qui ont permis à la BCCI d'acquérir des banques américaines proviennent en partie de défauts existants dans le processus réglementaire et en partie de l'utilisation par la BCCI d'avocats ayant pignon sur rue pour aider la banque à manœuvrer le circuit de ses procédures. Quand la Réserve fédérale a approuvé la reprise de parts dans la Financial General Bank par la CCAH en 1981, elle était en possession d'éléments substantiels suggérant que la BCCI se cachait derrière ce rachat. La Réserve fédérale a choisi de ne pas tenir compte de ces éléments, et ce parce que des actionnaires et des avocats de la CCAH lui ont précisément affirmé que la BCCI n'était pas à l'origine du financement et ne dirigeait pas l'opération. Ces assertions étaient fausses, et la Réserve fédérale n'aurait pas approuvé la candidature au rachat de la CCAH si on ne lui avait pas fait ces mensonges. 9. Le contrôle de la BCCI par la Banque d'Angleterre était largement insuffisant pour la protection des déposants et créditeurs de la BCCI. De plus, la Banque d'Angleterre était en possession de renseignements qu'elle a gardés secrets au sujet des fraudes commises par la BCCI 15 mois avant de procéder à la fermeture de la banque. Dès la fin des années 1970, la Banque d'Angleterre a éprouvé des réserves sérieuses au sujet de la BCCI et elle a entrepris de ralentir l'expansion de la BCCI au Royaume-Uni. En 1988 et 1989, la Banque d'Angleterre a appris que la BCCI était impliquée dans le financement du terrorisme et dans le blanchiment d'argent, et en conséquence, elle a entrepris une surveillance accrue de la BCCI. Au cours du printemps 1990, Pricewaterhouse a avisé la Banque d'Angleterre que la BCCI avait fait montre de pertes substantielles lors de prêts, de fautes professionnelles bancaires et même de fraudes, et que l'addition de tous ces éléments avait eu comme résultat des trous importants dans les livres de compte de la banque. La riposte de la Banque d'Angleterre n'a pas été de fermer la BCCI, mais plutôt de trouver des moyens de maintenir la banque à flot et d'empêcher qu'elle s'effondre. Pour cela, il fallait entre autres protéger le secret de la nature réelle des problèmes de la BCCI des yeux de ses créditeurs et de son million de déposants. En avril 1990, la Banque d'Angleterre s'est mise d'accord avec la BCCI, Abu Dhabi et Pricewaterhouse pour empêcher la BCCI de s'écrouler. L'accord stipulait qu'Abu Dhabi allait se porter garant des pertes et que Pricewaterhouse allait certifier les livres de compte de la BCCI. C'est à cause de cet accord que des déposants et créditeurs innocents, qui continuaient à faire affaire avec la BCCI après cette date, ont pu être portés à croire que les problèmes de la BCCI étaient moins sérieux qu'ils ne l'étaient. À partir d'avril 1990, la Banque d'Angleterre s'en est remise au secret bancaire et aux protections de la confidentialité existant au Royaume-Uni pour diminuer le risque que la BCCI ne s'effondre dans le cas où toutes ces indélicatesses viendraient à être connues. En conséquence de quoi, les déposants et créditeurs innocents qui continuaient à faire affaire avec la BCCI après cette date ont été privés d'informations cruciales que les instances de contrôle possédaient, ainsi que les auditeurs, le personnel et les actionnaires de la BCCI, et dont la connaissance aurait pu leur éviter des pertes. Afin d'éviter de mettre en péril le plan de restructuration de la BCCI, et d'éviter une potentielle ruée sur la Banque d'Angleterre ne communiqua pas au printemps 1990 à la Réserve fédérale les informations cruciales qu'elle possédait sur l'importance des prêts accordés par la BCCI sur les parts CCAH First American, malgré les requêtes faites par la Réserve fédérale. Cette décision prise par la Banque d'Angleterre a repoussé d'environ 8 mois l'ouverture par la Réserve fédérale d'une enquête approfondie. La Banque d'Angleterre, bien qu'elle ait été au courant de certaines des fraudes commises dans le passé par la BCCI, et bien qu'ayant conscience que la consolidation en une seule entité est indispensable pour le bon contrôle d'une banque, a passé un accord préalable avec la BCCI et ses propriétaires d'Abu Dhabi, qui aurait permis à la BCCI de se restructurer en 3 institutions séparées et basée respectivement à Londres, Abu Dhabi et Hong Kong. Cette décision était une preuve d'incompétence extraordinaire de la part de la Banque d'Angleterre. Elle a été annulée soudainement lorsque la Banque d'Angleterre décida tout d'un coup de fermer la BCCI à la fin juin 1991. La décision prise par la Banque d'Angleterre en avril 1990 d'autoriser la BCCI à déménager son siège social et son personnel de direction depuis le sol et la juridiction britannique jusqu'à Abu Dhabi a eu de graves conséquences négatives pour toutes les enquêtes en cours sur la BCCI à travers le monde. Par cette décision, des archives essentielles et des témoins indispensables des événements passés au crible ont pu échapper au contrôle du gouvernement britannique pour se retrouver dans les mains du gouvernement d'Abu Dhabi, qui à ce jour continue à les soustraire des regards des enquêteurs criminels anglais et américains. Cette décision fut une erreur irréparable et fort coûteuse de la part de la Banque d'Angleterre.